Chapitre 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les membres du peuple de Dieu qui vivent à Philippe et croient en Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous donne la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu au sujet de vous tous, chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je prie avec joie, à cause de la façon dont vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne en vous, la continuera jusqu'à ce qu'elle soit achevée au jour de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'aie de tels sentiments à l'égard de vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous eu part à la faveur que Dieu m'a accordée, soit maintenant que je suis en prison, soit quand j'étais libre de défendre et d'établir fermement la bonne nouvelle. Dieu sait que je dis vrai quand j'affirme que je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici la prière que j'adresse à Dieu pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhensions parfaites, pour que vous soyez capables de choisir ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs, et l'on ne pourra rien vous reprocher au jour du Christ. Votre vie sera remplie des actions justes que produit Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que toute la garde du palais et tous les autres savent que je suis en prison parce que je sers le Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il est vrai que certains d'entre eux prêchent le Christ par jalousie à mon égard, dans un esprit de dispute, mais d'autres le prêchent dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que Dieu m'a confié la tâche de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ non pas avec sincérité, mais dans un esprit de rivalité. Ils pensent augmenter mes souffrances pendant que je suis en prison. Peu importe. Que leurs intentions soient mauvaises ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé, et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir, car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide apportée par l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, comme je l'attends et l'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, je serai plein d'assurance et ainsi je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si en continuant à vivre, je peux encore accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je me sentirai des deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai. Je sais que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Ainsi, quand je me trouverai de nouveau auprès de vous, vous aurez à cause de moi d'autant plus sujet d'être fier dans votre vie en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une façon qui soit en accord avec la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermes, unis dans une même intention, et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi que donne la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à la destruction, et pour vous le signe que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous prenez part au combat avec moi. Ce combat est le même que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez.